combien de cœurs font l'amour alors que moi je suis là? Combien de mots de toujours alors que moi je suis là? Combien de cœurs se promènent à flirter avec la haine? Combien de cœurs sont rêveurs et combien de cœurs ont peur? Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Combien de cœurs gros, cœurs tendres alors que moi je suis là? Combien de cœurs à prendre alors que moi je suis là? Combien de cœurs pour ces cœurs qui cherchent un peu de bonheur? Combien de cœurs pour comprendre que le cœur n'est pas à vendre? Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Combien de cœurs te caressent alors que moi je suis là? Combien de vœux, de promesses alors que moi je suis là? Et combien de cœurs t'enivrent? Combien de cœurs te déchirent? Combien de cœurs t'enrichissent pour qu'enfin ton cœur frémisse? Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où ces cœurs palpitent. Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Je resterai à t'attendre, mais faut pas trop t'y méprendre. Ma patience a ses limites qui s'arrêtent là où tous ces cœurs palpitent. Je resterai à t'attendre.